Chegue dans le sun, mi amigo. Je suis dans le fond du club avec ta bille, chico. Je goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jaloux, de ta déco. Chegue dans le sun, mi amigo. Je suis dans le fond du club avec ta bille, chico. Je goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jaloux, de ta déco. J'avec mes robes, ta sah, on fait de la monnaie. On vient de loin, remontada, t'as les Barcelone. Terminé depuis Mino, y'a pas de secret chez nous. Marche arrière, m'cassera, même pas pyramidé. Tu le fais pour baba, maman, elle est mieux aussi. Bitch, lève ton boule, tu vas m'y personne ici. J'fais bouger mes négas dans le club sur une vibe, right. J'reprends le flow, car Inca pour big up le blood, right. Chic Dalston, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billet, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jaloux, on t'a dit qu'on. Chic Dalston, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta bille, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chiva. Et toi, par nos jaloux, on t'a dit qu'on. Pour le khalif, mon plan fait bouger les jeans, appelle-moi le radar de Paris. Les acolytes, souvent sous beurre ou sous collage. Tard à la night, ça barrasse, on fait pour faire la maille, yeah. Elle a pleuré ton portefeuille et son nouveau bébé. C'est pas l'autre te fait des yeux doux parce qu'elle s'est achevée. Paris, soir et luxe, cabaret. Billa, tu fais ta lettre, t'as sucé tous les Qataris. Chic Dalston, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta bille, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jaloux, on t'a dit qu'on. Chic Dalston, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta bille, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jaloux, on t'a dit qu'on. Yeah.